La doublette suivante nous fait traverser la France d'est en ouest, puisque nous avons d'abord les vétérans du grindcore français, Blockheads, qui sortent leur nouvel et fortuneux Trip to the Void, annoncé déjà comme une des toutes meilleures sorties metal extrême grindcore, ou même tout style confondu français. Une nouvelle sortie Bones Brigade, on va s'écouter la doublette Provoked Starvation, enchaînée au titre Wolves. Et dans la foulée, de l'autre côté de la France, Pedretz, qui nous vient de Bretagne, il sort un premier album, excellent concept album, sur le génocide vendéen post-révolutionnaire, Chronique de l'insurrection, une sortie sur le label Antique Records, et on s'écoutera le titre Par les chemins creux. C'est parti. Do you want to burst through? On déroule toujours dans l'aspect française avec le retour des vétérans du heavy français Titan. Titan, pour un petit rappel biographique, c'est un groupe qui a été actif dans la deuxième moitié des années 1980 avant de splitter en 89-90, puis une reformation a vu le jour en 2017 pour une apparition live au Pyrénées Noirières Open Air dans le sud de la France. Ils sortent donc là leur second effort studio 35 ans après leur unique et éponyme album sorti en 1986. À l'écoute des premiers extraits, le groupe semble toujours avoir bien de l'énergie, c'est old school, très bien foutu cependant, les textes sont en français et la prod est plutôt soignée, ce qui rend hommage donc à cette seconde sortie studio. Et dans la foulée, le groupe de Mélo Symphodès français venu de Toulouse également, tout comme Plébéian. Ils sortent là leur troisième album studio, j'ai nommé Affenheimer, sur le label autrichien Napalm Records. Donc voilà, très inspiré par la scène mélodès scandinave, type Calma, Insomnium, mais aussi le côté extrême et percutant d'un Train of Bodom. Voilà, quelques orchestrations et surtout une chanteuse qui arrache bien comme il faut. Titan, ce second album studio s'intitule Palingenesia. Une sortie prévue le 26 novembre, Affenheimer, Antigone, le titre qu'on va s'écouter tout de suite, extrait de leur nouvel effort studio, A Dream of Wilderness, c'est parti. Des enfers, arrogant. presque comme la doublette Blockheads Pedretz, la doublette à venir Créature Gumo nous fait traverser la France d'est en ouest. Bon là on passe un peu plus au nord par contre. Créature, ce one man band de Black Prog, Black extrêmement riche même, qui nous vient de Bretagne. Éloge de l'ombre, nouvelle et quatrième effort studio, une sortie Void Anchor Records, on l'a déjà pas mal présenté ce groupe. Enfin, ce groupe, ce projet musical plutôt, et en doublette Gumo, donc le groupe de grindcore du nord de la France. Ils ont sorti là un excellent second album studio, A Fresh Brush on the Neck, Rétrograde, le tic de Créature, et Gumo, une doublette dans la doublette, Change My Mind, Vomit and Drink Again. C'est parti. We'll be right back. laisser, on va dire, malheureusement, des manifestants ou autres. Ça fait partie de notre travail. Travail. Allez, on quitte et on clôture l'aspect française, retour à la diff internationale avec une nouveauté de la semaine dernière et une nouveauté de cette semaine. Tout d'abord, Tower, récente formation de heavy metal venue des États-Unis. Ça sonne très très très old school et c'est du heavy ultra burn avec un chant à moitié punk trash motorédien, avec cependant des putains de screams qu'on peut rapprocher d'un Crystal Viper mais en beaucoup plus rugueux. Voilà, donc la formation new-yorkaise a déjà sorti un EP en 2016 et un album pardon en 2016, un EP en 2019. Leur second album voit le jour chez Cruz del Sur Music. Donc voilà, Tower, un groupe qu'il va nous falloir suivre de près. Ce second Effort Studio s'intitule, Effort Studio longue durée, Choke to the System. Et dans la foulée, on va s'écouter les Québécois de Cantique Lépreux, le groupe sans surprise, de black metal typiquement québécois, hein, dans le style, le Québec s'est taillé une sérieuse part du lion en termes d'identité musicale. On retrouve d'ailleurs tous les membres qui font partie du groupe Chasse-Galerie, donc ça gravite autour de cette scène bien connue. Deux albums ont précédemment vu le jour en 2016-2018, ils sortent là un EP, 4 titres. Oh, toutes mes excuses. Il est un peu tard et ça, on va pas le couper au montage. On va garder mon sympathique bâillement. Tower, le titre Running Out of Time. Cantique Lépreux, le titre Lune Défroquée. Et ce nouvel effort studio s'intitule Secte. Et c'est un EP, c'est parti. Whoa! Une doublette fort riche, ma foi, pour préclôturer l'émission. Tout d'abord, Cenotaph, le groupe de Brutal Death turc, enfin turc plus plus, puisqu'on retrouve maintenant des icos venus de France et de Suisse. Cenotaph a bénéficié d'un sympathique focus délivré par Thibaut lors de la précédente émission. Ils nous sortent un très très bon nouvel effort studio, Precondition to Eradicate, une sortie Coyote Records. Et dans la foulée, Gals Verde, le projet très personnel. Proposé par Gal, bien sûr, l'ancienne voix de Gorgoroth. The Humming Mountain, c'est un nouvel EP qui vient tout juste de sortir chez Season of Mist. Antipathogenic Morbid Incubation, signé Cenotaph. Gal's World, le titre de l'EP que l'on va s'écouter tout de suite, The Humming Mountain. C'est parti. We'll be right back. voilà, c'est déjà la fin de l'émission pour aujourd'hui, lors de la toute dernière doublette que l'on va, eh ben, qui va passer vitesse grand V, tout en violence et en puissance. Tout d'abord, les Gallois de Gull Trip, groupe de hardcore qui sort son nouvel EP Rain City. Voilà, ça a été démoulé comme ça sans crier gare en autoprod et c'est toujours ultra quali. Et puis la toute dernière nouveauté pour l'émission d'aujourd'hui, Hyperdoncia, projet de death metal international. On retrouve dans la formation deux Turcs, un Danois, un Polonais, ça ressemble au début d'une mauvaise blague. Le groupe existe cependant depuis 2015 et vient donc de sortir son second album studio. Entre temps, il y a eu deux autres EP. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la musique de Hyperdoncia ? Du death bien crado, bien voyant et caverneux. Petite anecdote, hein, de 2015 à 2019, le vocaliste était bien sûr le growler de Undergang. Ça donne un petit peu l'orientation musicale du death proposé par Hyperdoncia. Et il y a ce petit côté evil par-dessus, à la sauce Incantation ou encore Dead Congregation. Voilà donc pour Hyperdoncia, la dernière nouveauté pour aujourd'hui. Ideus Entity, c'est le nom de leur nouvel effort studio, une sortie Dark Descent Records. Gull Trip, Emerald Gate, et on va se quitter ensuite avec Hyperdoncia, le titre Calls of Wrath. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne semaine, et à dimanche prochain en direct, ciao ciao. fantastic things.